Bienvenue au podcast de Boulevard Brutal. Aujourd'hui à l'émission, on revient sur le scandale qui affecte le groupe suédois Ghost. On revient aussi sur la tornade de marde entourant le nouveau disque de Suicide Silence. Parlant de marde, il y a aussi Slayer qui en a brassé pas mal avec une photo de Donald Trump. On a vu passer une mise en demeure contre Metallica. Et on vous parle de l'été chaud qui se prépare malgré l'annulation du EV Montréal 2017. Ça, mon chum, c'est qu'est-ce qu'on appelle un gros line-up d'émissions. Eh hey, ben, écoute, ça faisait longtemps. Je m'ennuie à toi, ça. Ben oui, moi aussi, je m'ennuie à toi. Écoute, moi, avoir passé toutes ces mises en demeure-là puis ces poursuites-là, là, je t'en veille de t'en envoyer une, sti. Pour te dire que Chris, là, fallait se grouiller le cul, je t'aurais mis en demeure de faire un podcast plus rapide, puis t'avais pas le choix de me revenir. C'est toi qui as jamais le temps. Ah, c'est sûr que je suis bien occupé. Hey, écoute, là, de ce temps-ci, on voit ça passer des mises en demeure, resti, à tout bout de champ. J'espère que t'es pas pogné là-dedans, toi, dans ta vie, les mises en demeure puis les affaires légaux. Non, mais je me demande bien à qui je pourrais en... Ben, j'ai une idée à qui je pourrais en envoyer, mais je le ferai pas. Tu vas aller dire ça en public, puis tu vas te faire poursuivre. Écoute, le lendemain matin, il y a un huissier qui va cogner chez vous à 6 h du matin, puis tu vas être poursuivi pour 300 000. Ouais, c'est ça. Parce que là, écoute, moi puis toi, on est chacun deux grands fans quand même du groupe suédois Ghost. Oui. Ouais, on aime ça. Moi, j'adore ça. Je m'en cache pas. Ben non, faut pas s'en cacher. Faut pas bouder notre plaisir. Là. C'est pas un plaisir coupable d'aimer Ghost, là, à mon avis. Non. C'est des très grands musiciens. Là. C'est un très bon produit. Mais là, il y a de la controverse. Ouais, là, il y a de la controverse, OK? Parce que là, de ce temps-ci, là, dans les dernières semaines, là, il s'est passé des affaires, OK? Moi, j'ai publié un billet, je pense au début février, que Papa Emeritus, il y avait des rumeurs comme quoi il avait crissé tout le monde dehors. Lui, il prenait le contrôle, il avait sacré tout le monde dehors, puis c'était lui le boss à partir de maintenant. Parce que c'était pas une rumeur. Ben, j'ai l'impression, là, parce que qu'est-ce qui s'en vient, ce qu'on voit là? Ça a pas l'air d'être une rumeur, effectivement, mais quand ça l'a sorti, il y a bien du monde qui disait « Ah, regarde, c'est du théâtre, t'sais, ils sont tous en train de peut-être de faire une nouvelle gimmick pour t'sais, partir, mais je trouvais que c'était hors contexte. T'sais, moi, j'aurais fait quelque chose avec l'église ou t'sais, une affaire plus concept, t'sais, pas une affaire de même. » Ouais, mais écoute, on était habitués au premier Papa Emeritus, après ça, numéro 2, après ça, numéro 3. Donc, une rumeur comme ça, c'était possible aussi. C'était possible aussi. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que pas plus tard que la semaine passée, j'ai appris, Colin, à un gars que Papa Emeritus, c'était le même. C'est le 1, 2, 3, c'était le même gars. Colin. J'aime pas ça briser des rêves comme ça, parce que j'ai l'impression d'apprendre à un enfant que le Père Noël n'existe pas, mais... Ben, mais hein, je sais pas, te demander ça. Pensais-tu que le Père Noël existait de vrai? Ben, lui, il s'est dit, ils ont changé de gars, puis c'est un gars qui a à peu près la même voix. Je sais pas, il a peut-être pas porté plus attention qu'il faut, mais j'ai trouvé ça très, très cute quand même. Ben, je trouve ça le fun, les gens aussi, qui restent un peu dans le mystère plus longtemps que nous. Y a-tu pleuré quand tu as dit ça, ou... Ah, c'était pas... Je l'avais pas en face de moi, là. Ça s'est passé tout sur les internets. Oh, OK. Regarde, ben peut-être qu'il trollait d'abord. Ah, ouais, j'avoue. Mais en tout cas... Donc là, c'est ça. Là, Papa Emeritus, il y avait une rumeur comme quoi il aurait crissé tout le monde dehors. Ça, c'est en février. Après ça, début mars, il y a un certain Martin qui est sorti avec une belle vidéo. Là, tu le vois, là. Il est tout émotif. On dirait qu'il va pleurer. Ah, oh, oui. Hi, my name is Martin, and I've been a part of the rock band Ghost for 7 years. Ben oui, toi, il avait vraiment l'air triste en plus. Écoute, il avait pas l'air d'un nameless ghoul, il avait l'air juste d'un nameless. C'est clair. Fait que lui, dans le fond, ce qu'on comprend, puis tu sais, on le savait un petit peu là, que Martin, tu sais, qui était dans MCC, puis Tobias Forge était dans MCC aussi, fait qu'on s'en doutait qu'il était... Qui était dans le band Ghost, tu sais. Oui, c'était fort possible. Ben, c'était fort possible, tu sais, quand tu regardes un peu qu'est-ce qu'il fait au niveau de la guitare, puis tout ça, puis les similitudes sur la musique. Puis moi, ce que ça m'a donné l'impression, c'est vraiment d'un gars qu'il a été un peu forcé de quitter cette band-là, où il s'est carrément fait mettre dehors, justement, par Papa Emeritus, puis que là, tu sais, quand tu vis dans l'anonymat pendant plusieurs années, puis que là, tout d'un coup, là, tu redeviens quelqu'un, tu sais. Tu sais, te refaire une carrière puis dire, moi, si j'ai pas travaillé dans cette band-là pendant toutes ces années-là pour rien, il y a personne qui va savoir j'étais qui. Fait qu'il s'est dit, gars, je vais repartir MCC, je vais me nommer, puis je vais un peu, je vais briser le mystère, puis je vais surfer un peu là-dessus, parce qu'on s'entend que c'est un petit peu un stunt aussi de marketing, ça, là, de publicité, là, pour lui. Absolument, puis là, ça confirme l'identité aussi de Papa Emeritus. Aussi, moi aussi, mais ça... On le savait, mais... On le savait, mais moi pis toi, dans le fond, on s'était fait une courte liste, on s'échangeait souvent on a un petit Google Doc, hein, pour les trucs... Oui. Les rumeurs, puis nos enquêtes, puis tout ça, puis on en a un Google Doc, c'était identité réelle de Papa Emeritus, puis la dernière fois que j'ai checké, là, la liste était vraiment... était bonne. Elle était courte, mais elle était bonne. Oui, ben, y avait quoi? René Simard, Mario Pelchat. Oui. Moi, j'avais ajouté dernièrement Bruno Pelletier. Oh, mais Bruno Pelletier, il est petit un peu pour être un peu préméritus. Ouais, mais en tout cas, c'est parce que la dernière fois, je t'allais voir Ghost, j'étais loin un peu du stage, puis j'avais un peu de la misère à gager la hauteur. Parce que quand tu regardes quand même les photos, tu te rends compte que Papa Emeritus, quand il a pas son chapeau, c'est quand même un petit homme. Ouais, mais Bruno Pelletier, c'est vraiment un petit homme. Ouais, hein? Ouais, c'est ça. Oui. Toi, t'as peut-être eu la chance de le côtoyer là, de plus proche que moi. Ouais, ben ouais, je l'ai rencontré une couple de reprises. Oh, toujours aussi chiant, d'ailleurs. T'es chanceux en Chris, man. Fait que là, c'est ça. Fait que là, pis là, après ça, ben, dernièrement, ce qui est sorti sur Internet, dans le fond, c'est que là, on a appris que carrément, il y a quatre anciens Nameless Ghouls qui demandent à Papa Emeritus, donc Tobias Forge, d'ouvrir les livres du band. De la compagnie, dans le fond, qui gère le band. Ouais, parce que sous je pense qu'il gérait ça lui tout seul. Ben, c'est ça. C'est que les gars, dans eux autres, ce qu'ils disent, dans le fond, c'est que eux, sous une bonne entente et sous une entente mutuelle, dans le fond, auraient demandé, à un moment donné, à Tobias Forge de gérer les finances du band, tu sais. Ben, comme Angela Gasso faisait avec Arch Enemy. Ah ouais, c'est elle qui gérait toutes les finances? Oui, c'est encore elle, d'ailleurs. Elle s'est tassée un peu pour ça. Ah, OK. Ouais, parce qu'elle, si je ne me trompe pas, elle est mariée avec un des guitaristes, c'est ça? Oui, exactement, avec le roux dont le nom m'échappe, mais dont vous savez sûrement le nom. Oui. Donc, c'est ça, elle faisait les deux tâches. Et puis, à un moment donné, je pense qu'elle trouvait que c'était trop. C'est pour ça que c'est vraiment elle qui a fait rentrer la chanteuse de Diagonist. Pis tout, OK, OK. Ben, c'est ça, c'est assez fréquent quand même que dans un band, il y en a un dans la gang ou une qui a plus d'aptitude de gestion. Qui a plus d'intérêt, tu sais, puis qui est un peu plus fiable que les autres. Parce que ça, c'est l'autre affaire aussi qu'il faut pas non plus. Tu sais, c'est jamais. Moi, en tout cas, de mon expérience d'avoir côtoyé des bands, puis d'avoir parlé à différentes personnes, c'est jamais tout blanc, tout noir, tu sais, dans un band. Non, jamais. Pis là, ce que ça donne l'impression, c'est que t'as quatre anciens ghouls qui ont l'impression de s'être fait fourrer eux autres sur toute la ligne dès le départ, alors qu'on sait très bien que. Dans la dynamique d'un band, à un moment donné, il y a certaines habitudes qui s'installent, puis t'en as qui sont un peu plus slacker que d'autres, puis il y en a d'autres qui contribuent pas vraiment à l'essor du band. Fait que ça fait en sorte que le band tombe un peu dans les mains de un ou deux personnes. Ouais. En général, c'est une ou deux personnes, ouais. Ça arrive souvent, ces affaires-là. Fait que là, les quatre gars, dans le fond, c'est Simon Soderbergh. Ça, c'est dans le fond, c'est un ancien de Subvision puis de MCC. Oui. Ça, c'est vraiment un chummy avec Tobias Forge. C'est un Moses de bon compositeur. Puis il a fait beaucoup, beaucoup d'arrangements pour Ghost, d'ailleurs. Il y a Mauro Rubino. Il y a Henrik Palm. Ça, c'est drôle parce que Henrik Palm, lui, il était dans Ghost seulement depuis 2015. Puis ça, c'est un ancien de In Solitude. Oh! Ouais. Lui, il a joué sur l'album Sister, l'excellent album Sister. Ouais. Ça, c'est du solide. Ça, c'est du solide. Puis moi, c'est drôle parce que quand In Solitude a arrêté, ça m'a toujours, toujours travaillé dans la tête. Je me suis dit, je suis certain qu'il y a un ou des gars de In Solitude qui sont maintenant avec Ghost. Puis comme de fait, parce que je trouve qu'il y a tellement. Premièrement, les deux bandes sont suédois. C'est vrai, oui, c'est sûr qu'ils se connaissent. Les deux sont très mélodiques. Puis je trouve que des fois. Non, In Solitude, c'est plus heavy, là, on s'entend, mais je trouvais qu'il y avait un petit quelque chose, tu sais. Ouais. Fait que lui, il est dans la poursuite. Puis il y avait aussi Martin Urgested, là, j'ai de la misère à dire son nom. Ça fait que lui, il était membre depuis 2014. Fait que t'as deux membres là-dedans, assez récents, deux anciens membres assez récents, 2014-2015. Qui ont probablement participé au dernier album, puis c'est au ça. Dernier EP, probablement. C'est ça. Puis après ça, c'est du 2010. Là, Simon, lui, est là depuis le début. Puis après ça, Moreau Rubineau, lui, c'est un claviériste, si je me trompe pas. C'est peut-être des grosses pertes un peu, hein, mais... Simon, c'est une très grosse perte. Moi, à mon avis, Simon Soderbergh, c'est la plus grosse perte de Ghost ever. Parce que quand tu regardes, parce que c'est ça sur le billet que j'ai fait par rapport à la poursuite, vous irez voir ça sur boulevardbrutal.com. Y a un lien Reddit. Ça, c'est pénible un peu, là, aller fouiller dans un lien Reddit, parce que c'est juste du texte. Ouais. Là, là-dedans, t'as l'entièreté de la poursuite. Fait que là, t'as bien des textes légaux et tout ça, là, c'est pas lisible. Mais ouais, je l'ai regardé un peu, ouais. C'est ça. Puis t'as les crédits, les vrais crédits de chacun des albums. Oui. Puis ça, c'est intéressant. Fait que tu vois que Simon Soderbergh, dès le début, dès le premier album, c'est même lui qui a fait des arrangements musicaux là, de la première track, qui est un instrumental. Ouais. Il a fait plein d'arrangements et de productions sur toutes les tunes, la guitare évidemment. Mais Tobias Forge, tu te rends compte aussi qu'il a pas juste chanté. Il a fait de la guitare, il a fait de la bass, il a fait des arrangements, il a fait un paquet de choses. Écoute, j'ai hâte de voir la suite, mais tu sais, il y en a des bands comme ça. Exemple, Cradle of Filth. Écoute, y a-tu un band qui a eu le plus de changements de membres que ce band-là, puis ont quand même conservé toujours un peu le même son, tu sais? Quand même, oui. Tu sais, je pense que c'est possible pour des bands, surtout Tobias qui a l'air d'avoir quand même une bonne tête. Il va être capable probablement faire évoluer le son du band, j'ai hâte de voir. Mais en tout cas, là, il demande 30 000 piastres pour qu'il ouvre les livres, c'est ça? Là, il y a des affaires qui me rentrent pas dans la tête. Là, dans le fond, c'est qu'il demande d'ouvrir les livres, puis s'il refuse d'ouvrir les livres, dans le fond, c'est que ça donnerait l'équivalent à 30 000 piastres. Fait que c'est un peu une pénalité pour refuser de faire quelque chose. Parce que je sais pas, moi, au niveau légal, puis il y a peut-être un avocat qui nous écoute, j'aimerais ça savoir si... La cour, à la demande de band members, a le droit de demander à quelqu'un qui a tous les droits d'un band d'ouvrir les livres. Tu comprends ce que je veux dire? Là, il y a des affaires qui me rentrent pas dans la tête. Peut-être. Écoute, j'ai le goût de te demander la même chose. Moi, je suis certain que Boulevard Brutal, ça fait des millions, mais moi, je vois pas une scène. Hein? Ben, c'est ça. Fait que là, dans le fond, tu pourrais me mettre en demeure. Absolument. Tu sais, tu pourrais me dire, faut que tu rouvres les livres, sinon, mettons... je pars avec ta collection de vinyles, mettons. Exactement. Bon. Puis il y a peut-être Georges qui se graisse la patte aussi. Là. C'est pas normal d'avoir toujours des beaux cheveux de même. Ouais, man. Les coiffeurs à Montréal, ça coûte cher en crise. C'est pour ça que je te dis ça. Ah, c'est clair. Puis c'est drôle parce que pas plus tard que cette semaine, j'ai vu une entrevue justement avec Tobias Forge sur le site français Radio Métal. Oh. C'est une entrevue qui avait été réalisée juste avant que qu'on apprenne la poursuite des quatre anciens Ghouls. Puis là-dedans, Tobias, il s'ouvre pas mal plus sur la dynamique qui existait dans Ghost. Puis ce qu'il dit ni plus ni moins là-dedans, c'est que Ghost, là, c'est un projet solo. Ce qu'il dit là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de compositions qui ont été faites pratiquement solo. Que lui, il est capable de faire du drum, il est capable de faire de la bass, il est capable de faire du clavier. Ouais, ça se peut très bien. Il est capable de faire beaucoup de guitare. C'est un guitariste plus qu'un autre musicien. Et il est capable de créer toute la base de l'ensemble des chansons. Puis après, il a juste besoin de le montrer aux autres. Puis oui, c'est basic, puis oui, c'est average. Mais c'est comme ça que le band s'est formé. Fait que c'est comme si il y a un band... live qui s'est comme greffé par la suite sur ce que lui avait débuté, tu sais. Ah, c'est possible. Fait que d'après moi, c'est tu sais, le nouvel album là, qu'ils vont faire cet été est pratiquement tout écrit. Évidemment, il y a sûrement des anciens Ghouls qui ont, comme des gars comme Simon pis tout ça, qui ont sûrement contribué. Oui, sûrement. Mais je pense que le mastermind, c'est... Mais là, je vais y voir cet été. Là. J'ai tellement hâte à la première partie de Maiden. On s'en va voir ça le 19 juillet à Québec. Première fois que je vois Ghost, je suis tout excité. Ah, tu vas être excité, mon gars. Essaie d'être le plus proche possible. Là. Et puis, je checkais ça justement sur Internet. Là. Les nouveaux membres, là, justement, les nouveaux Ghosts, ils tirent vraiment déjà très bien d'affaires. Ça sonne super bien. Les deux guitaristes, d'ailleurs, il y a un des guitaristes... Celui qui joue, dans le fond, à la droite de papa, donc à notre gauche, à nous. Je pense que c'est un guitariste qui est dans Sisters of Mercy. Oh. Ouais. un vieux groupe, ça, mais ils se sont reformés puis ils ont engagé des musiciens plus jeunes. Fait que là, son nom m'échappe, mais j'ai checké un peu la façon qu'il jouait, puis j'ai checké des vidéos de l'autre gars, puis il est show-off un peu, là, tu vois qu'il est super à l'aise. Fait que c'est pas un gars qui était... C'est pas le gars qui était dans Respectable, ça. Ah non, hey, eux autres, man, ça a l'air qu'ils ont fait l'audition, puis ils ont échoué ça lamentablement. Ils sont arrivés là, ils étaient chauds morts, ils ont même pas été capables de faire la toune la plus simple du répertoire de Ghost. Les hommes 7-Up. Fait que tu nous en donneras des news de ton baptême de Ghost. Moi, je les ai vus trois fois en spectacle, puis c'est toujours un grand moment, man. Non, on a des billets sur le parterre proche du stage, donc ça va être très intéressant de descendre là qu'une gang du Saguenay en autobus. Ça va être complètement débile. Yeah, Colin. Arrange-toi pour pas trop te mettre chaud dans l'autobus, là, puis être encore debout quand le show va commencer, tout mon petit soda. C'est le défi. Ouais, c'est le défi. Fais attention. Fais attention, tu me parlais au le nouveau produit qui est sorti, là, la racinette au rhum Captain Morgan pré-mélangé. Oui, oui, oui. Oui. Ah, t'es rendu que tu tombes là-dedans pas mal fort, hein? Ça fait des ravages, mon homme. Essaye pas d'en rentrer dans le centre Vidéotron, là, mon petit soda de Bon-Yann, hey, que tu vas faire dehors. La dernière fois que je suis allé au centre Vidéotron, je te jure, je pensais qu'elle allait me faire une fouille anale. Il aurait dû. Moi, si j'avais été le gardien de sécurité, je l'aurais fait. Quoi? Écoute, je sais pas pour qui il devait penser que j'étais Pablo Escobar, je sais pas trop. Écoute, hey, on allait voir RBO, tu sais. Ah, mais ça, c'est encore drôle, man. Je suis sûr qu'il y a plus de dope dans un show de RBO que dans un show de Danzig. Alors. Ben écoute, on était moi puis 5000 autres qui avaient eu des billets gratuits. Ah ouais, ça avait marché ce show-là, une affaire effrayante. D'ailleurs, Guillaume Lepage, il s'était fait tirer à pipe un peu là-dessus, puis il prenait pas très bien les jokes, hein, sur Twitter. Il aimait pas ça se faire écœurer là-dessus. Eh non, je te dis que le pape du dimanche, il l'a pas pris, en tout cas. Non, non. Hey, écoute, toi, je sais pas si tu m'as jamais dit si t'étais un grand fan du band Deathcore Suicide Silence. Pas un grand fan de Deathcore à l'avance, mais quand ça joue, tu sais, ça me dérange pas, c'est du metal, c'est cool, mais pas de là à en écouter chez nous, vraiment. Jamais été, tu sais, ça me dérange pas, ça joue, c'est bien correct, tu sais, j'en entendais souvent sur Sirius, ça, mais c'est pas bon, c'est pas ma tasse de thé, vraiment. C'est pas ton style de prédilection. Non. Moi, j'ai été quand même un bon fan de l'époque de Mitch Locker avec Suicide Silence. Je trouvais que c'était un excellent frontman. Puis ce que j'aimais beaucoup de Mitch, c'était sa combinaison de voix gutturale et sa voix aiguë. Oui. Tu sais, c'était vraiment... Puis je trouve que c'était un frontman vraiment exceptionnel. Tu sais, il savait... En show, il dégageait. Ah, oui. Fait que là, quand il s'est tué en moto, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement déplorable parce que... Premièrement, la musique métal perdait tout un frontman, puis en plus, t'es un jeune homme, c'est-tu... Avec quoi, 27-28? Ah ouais, maximum. Il était même, je pense qu'il était quasiment plus jeune que ça, en tout cas. Fait que, dans le fond, après ça, ils l'ont remplacé par Eddie Hermida, lui, dans le fond, qui est le chanteur de All Shall Perish. Ça aussi, c'est tout un frontman, hein? C'est un gars extrêmement... Oui. Qu'on appelle dangereux live, là. Tu sais, il arrive sur une scène, il l'occupe, puis ça y va au toast. Oui. Puis le premier album qu'il avait fait avec Suicide Silence, qui était You Can't Stop Me, qui est sorti en 2014, ça s'était écoulé la première semaine à 15 000 copies. Ce qui est quand même assez bon pour un band comme Suicide Silence, tu sais. Absolument. Ça joue pas à radio conventionnelle. Non, c'est ça, tu sais. Fait que par après, ils ont continué un peu leur vente, tout ça. Puis le monde se sont dit, ben, Eddie, c'est pas Mitch, mais ça marche quand même. Ouais. Puis là, dans le fond, après ça, là. Après cet album-là, ils ont pris un virage musical. Mais quand je te dis un virage, imagine tu t'en vas en pick-up, là, puis tu pognes une curve à 80, là, puis tu une curve à 90 degrés, puis tu pognes le clou, man. Et c'est ça qu'ils ont fait. Écoute, ils ont pogné le clou pas après, mais c'était voulu. Ben c'était voulu. C'est qu'on apprend dans le fond que le groupe est super fier dans le fond de leur nouvel album, puis des nouvelles chansons qui sonnent comme du Korn, du Deftones. Ouais. C'est vraiment ça, le tu sais, c'est... Mais pas bon comme du Korn puis du Deftones. C'est ça le problème aussi. C'est ça. Parce que tu te rends compte aussi qu'il y a encore un petit peu la touche Suicide Silence. Une couple de tunes qui bûche quand même un peu. Puis tu te rends compte qu'il y avait une volonté, dans le fond, de faire quelque chose de différent. Clairement, Eddie avait le goût de chanter d'une façon différente. Il a même dit qu'il avait été né pour faire cet album-là. C'est assez fort, là, là, il y a des affaires qui me rentrent pas dans la tête. Ah ouais, écoute, lui, il prend ça vraiment à cœur. Il dit que les femmes qui aiment pas l'album, ils comprennent juste pas. On dirait qu'il trolle le monde. J'avais l'impression qu'il faisait exprès, sérieusement. Écoute, pour le poisson d'avril, il y avait même un site internet qui avait lancé une nouvelle comme de quoi Suicide Silence s'excusait. Ah non, écoute, ils ont fait une vidéo. Parce que là, quand ils ont sorti les deux premiers singles, qui étaient Doris puis Silence, moi, les deux premiers singles, j'ai beaucoup aimé ça, par ailleurs. J'ai trouvé, justement, je me suis dit, ouais, ils ont des gosses de sortir les deux singles les plus soft de l'album, mais dans le fond, c'était... C'est tout de même pas mal. C'est tout de même pas mal partout, à part la dernière toune. Moi, en tout, je te dirais que j'aime 4 tounes sur l'album, au final. Ouais. C'est pas beaucoup, là, mais c'est un désastre, là. Tu sais, il y a des affaires qui marchent pas pantoute là-dessus. Puis, à un moment donné, ils ont eu le besoin aussi de... Ils ont tout rassemblé les messages de marde qu'ils ont reçus sur les réseaux sociaux, autant sur Facebook, Twitter, puis partout, puis ils ont fait une vidéo pour répondre à ces fans-là. Fait que j'avais l'impression que vraiment, il y avait une volonté de récupérer un peu cette marde-là à leur avantage. Je te le dis, j'avais l'impression qu'ils trollaient le monde. Ben, probablement que leur gérance a essayé quelque chose pour essayer de renverser la vapeur un peu, parce qu'écoute, il y a même une... après les deux premiers singles, il y a même eu une pétition de fans qui voulaient les empêcher de sortir l'album, ce que j'avais jamais vu de ma vie. Tu sais, je suis à la musique rock depuis que j'ai peut-être 5 ou 6 ans, sérieux, depuis que je sais lire. Puis, écoute, j'avais jamais vu ça. Ouais, ça, c'est fort en maudit. D'ailleurs, on a parlé de Ghost au début du show. Moi, j'ai vu une pétition passer dernièrement, ben voilà, peut-être un an, pour la dissolution de Ghost. Ben oui, c'est vrai, j'avais vu ça. Là, mais ça, c'est drôle, tu sais, il y a du monde qui font des pétitions de n'importe quoi, un peu pour faire rire leurs amis, puis ça part viral, puis après ça, ils sont super fiers. Là, il y en a eu des bonnes aussi concernant Nickelback. Là. Ah ouais, man, ça arrête pas. Ils viennent d'ailleurs bientôt à Montréal, là, au Centre Bell. Ouh! Mais écoute, je les ai vus, c'est quel cover de Metallica qu'ils ont fait l'autre jour que ça a été posté sur le web? Ouais, ils en ont fait plein, ils ont fait Master of Puppets, ils ont fait Sandman, ils ont fait tellement de tunes de Metallica, c'ti. Je pense que c'était Master, c'est quand ça avait quand même de l'allure, parce que ils ont l'air d'être bons musiciens quand même, le drummer est bon. Ah oui. Ah, c'est pas des pieds de céleri là, en arrière de leur instrument. Là. C'est un running gag, Nickelback, mais c'est juste que c'est du pré-marché. Ça va être Full House, là. Il y a plein de monde qui vont aller voir ça, là. C'est clair. Cette band-là, écoute, ils font leurs frais, là. Ils gagnent de l'argent avec ça, là. Ça marche. Mais tu sais, l'autre jour, on disait que on s'est parlé un peu de Suicide Silence, puis je te disais que j'avais jamais rencontré quelqu'un qui m'avait dit qu'il aimait le dernier album. C'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pas plus tard qu'hier, qu'il aimait le nouveau Suicide Silence. Ben, ça se peut, man. Mais c'est ça. Mais hey, c'est qui, en plus? C'est qui? Emmanuel Ouellet de Radio Affaires 666. Ah ouais, mais c'est ça. C'est sûr qu'il était pour l'aimer. Lui, il a aimé le dernier In Flames. C'est ça. Ça m'a pas étonné pantoute. On te salue d'ailleurs, Emmanuel. Oui, oui, oui. C'est bien que c'est pas méchant, tout ça. Là. Si tu savais qu'ils changeaient un peu les formules de podcast, à ça, ils font ça tout nu, qu'ils disaient. Ouais, ouais. Ouais, c'est... Ben, s'ils font ça... Moi, je pense que l'idéal, par exemple, ça serait de switch. Faudrait qu'ils diffusent ça sur Twitch. Ouais. Parce que là, il faut leur voir la graine, tu sais. Puis Twitch, c'est l'avenir. Fait que moi, je passerais tout ça sur Twitch. C'est vraiment une bonne idée. Hey, étant donné là, qu'on a commencé, le show, on dirait, j'ai l'impression, a vraiment une tendance. Hein? On y a donné une swing avec des histoires de merde, de poursuites, tout ça. Continuons dans la même lancée, OK? Là, évidemment, cette année, parce qu'on n'a pas fait de podcast depuis que Donald Trump est président des États-Unis. Fait que dans le fond, c'est le premier podcast pendant que Donald Trump est président. Hey, c'est pas drôle. C'est assez fort. Puis là, dans le fond, il y a les fans de Slayer qui se sont fâchés. Ils sont fâchés noirs à cause d'un... Ils ont vu passer un montage Photoshop d'une vieille photo de Slayer. Toi, tu me disais que c'est une photo à peu près de South of Heaven dans ses coins. Ouais, ça ressemblait à cette période-là. Mais tu sais, vraiment bien fait la photo quand même. Là. Là, t'as Donald Trump qui est en avant des gars qui fait deux Devil Horns. C'est très drôle. Moi, j'ai trouvé ça super drôle. Ça voulait rien dire de plus que Donald Trump est rendu président, puis asti, il est avec Slayer. J'aurais fait ce genre de blague-là avec moi puis toi sur une photo, tu sais. Ben oui, absolument. De toute façon, tu le voyais que c'était un montage parce que tu savais que c'était une vieille photo de Slayer. Puis, tu sais, en même temps, ça aurait pas été étonnant que Donald Trump fasse une photo de Slayer. Écoute, il a rasé les cheveux de Vince McMahon à WrestleMania. Tu sais, il y a eu des shows de TV. Il a tout été un peu champ gauche ou champ droit. Je sais pas comment on peut dire ça. Mais, tu sais, il a toujours fait des choses à part, puis ça aurait pas été étonnant qu'il prenne une photo de Slayer. T'sais. Ben non, c'est ça, ça aurait pas été possible quand même. Là, en tout cas, c'était vraiment drôle. Là, c'était vraiment drôle, puis là, ça s'est vraiment enflammé là, sur le compte Instagram. Là, t'as vraiment du monde là, qui pensait que c'était vraiment comme pour démontrer leur support complet et total envers Donald Trump, tu sais. Ah, écoute. Puis là, t'as même le band là, qui a été. Ils ont eu besoin, le band a voulu un peu se distancer parce qu'on a compris après ça que c'était plus une initiative de Tom Araya, tu sais. Ben oui, qui a probablement fait ça avec une coupe de verre de vin dans le nez, là, tu sais. Puis il était chez eux, il se pognait à la poche, il a commencé à être un peu chaud, il a embarqué sur son Photoshop, il a gossé ça, il était crampé, il a mis ça sur Instagram, ça a parti en feu, mon gars. En pensant faire rire le monde, tu sais, sûrement. Ah, il y en a sûrement qui ont ri, moi j'étais crampé bien raide. Moi aussi. Puis là, ça s'est enflammé, ça a commencé à s'insulter. Là, lui, il a insulté du monde, là, ça a été pris par... Puis celle-là, ça a été... C'est la fille, Araya, qui est intervenue, écoute, pour dire, hey, mon père, c'est point ci, c'est point ça. Ouais. Ça finissait plus, là. Qu'est-ce que le monde s'endure plus? Moi, ça n'a pas de bon sens, ça. Ça n'a aucun sens. Ah, je sais, c'est fou, à cette heure... Là, t'as même le gars de Stereo Gum, t'as Michael Nielsen, qui lui, il s'est posé vraiment comme la question là, la plus importante dans tout ça. Il s'est dit, parce qu'à un moment donné, Tom Araya, dans le thread Instagram, il avait écrit « Like him or not, he is the president », tu sais. Puis là, tu sais, peu importe, là, tu sais, peut-être que Tom Araya, il aime Donald Trump ou whatever, ça m'empêchera pas d'écouter sa musique parce... Et de toute façon, c'est dans la mentalité américaine de suivre son président. C'est ça. Fait aime-le ou aime-le pas, c'est lui le président. C'est un peu une façon de dire, à la façon Slayer, ben regarde, fuck you, deal with it, puis revenez-en, tu sais. Ouais, exact. Puis lui, le bon Michael Nielsen s'est posé la question qui tue. Lui s'est dit, est-ce que vous avez déjà entendu Tom Araya dire ça dans le temps que Barack Obama était à la présidence? Là, je sais pas, là, j'ai pas fait de screening de tout ce que Tom Araya avait dit sur le... Parce qu'il en dit quand même, c'est un gars qui est un peu impliqué politiquement, puis dans chacune des entrevues, il y a plusieurs médias qui essaient de l'amener sur ce terrain-là, parce qu'il est quand même assez volubile, tu sais. Oui. Je pense pas qu'il ait jamais tenu de propos vraiment désobligeants sur Barack Obama. Je sais qu'à un moment donné, quand Barack Obama a été élu au tout début... Lui, il remettait en question le hype qu'il y avait autour de ce gars-là parce qu'il disait « Pourquoi que tout le monde est hypé sur un gars qu'on connaît même pas? » Tu sais, c'était tout ce qu'il avait dit. Il avait dit « Regardez, moi, je capote pas jusqu'à la date, je le connais pas, le gars. » Fait que comme tu dis, est-ce que le monde à cette heure, ils sont tellement sensibles, il y en a probablement qui se sont dit « Ben, il doit être raciste. » Puis regarde, c'est pour ça qu'il veut pas parler sur lui. Ouais. Puis là, ben, la photo avec Donald Trump, ça l'a confirmé pour plusieurs personnes que probablement que si... Il avait fait ce montage-là, c'est parce qu'il le supportait, et donc peut-être qu'ils sont racistes, hein, mon gars, là. En tout cas, mon gars. Moi, ça m'a fait bien rire, ça m'a diverti. Tom, probablement qu'il voulait soit divertir le monde et ou choquer le monde. Tu sais, c'est Slayer, quand même, esti. c'est pas à bas. C'est ça aussi, là, Chris. Si vous suivez puis vous aimez la musique metal, après ça, fâchez-vous pas s'ils font des affaires douteuses sur Internet puis s'ils essaient de vous faire fâcher. Là, c'était un peu ça le but, tu sais. Exactement. Écoute, bon, c'est vraiment dans la catégorie « On s'endure plus ». On s'endure plus. Là, écoute, je t'ai mis sur une enquête cette semaine. Oui. C'est le retour de Boulevard Brutal Enquête. Oui, oui, oui. Et là, là, on a vu passer, ça a été très court hein, comme buzz sur Internet, on a vu passer une mise en demeure à Metallica. Ben oui, c'était... Le nom du groupe, c'était quoi déjà? Le nom du groupe, c'est le groupe Opprobrium. Qui s'appelait Incubus dans le temps. À l'époque. À ne pas mélanger avec le band... semi-grunge des années 90. C'est ça, c'était vraiment un band de death metal. Et là, dans le fond, explique-nous un peu c'est quoi l'histoire de cette mise en demeure-là contre Metallica. Ben écoute, la mise en demeure disait que c'était une tune, il avait copié, Metallica avait copié avec la chanson Moth Into Flame, une tune qui est enregistrée en 89 de Incubus, et puis il y avait les deux extraits que tu pouvais entendre, donc Moth Into Flame de Metallica et l'extrait de la fameuse toune. Fait que moi, quand ça sort, je mets ça à terre, tu sais, je me débouchine bien. Tu sais, je suis curieux, tu sais, je me dis, écoute, là... Peut-être quelque chose de gros, là, entre les mains, là. Hey, on a une poursuite de plagiat contre Metallica, tu sais, quand même. Fait que là, j'écoute la toune, je suis comme, voyons donc. J'ai même pris la peine de t'écrire, je dis, regarde, je suis pas chaud, j'ai une bière de prix. Ça ressemble pas à Moth Into Flame partout. Il n'y avait rien qui y ressemblait. Et puis, écoute, là, j'en revenais pas. Mais oui, j'enquêtais un petit peu. J'ai envoyé des questions sur Twitter ici et là. Et puis, j'ai pas eu grande réponse. En tout cas, ça s'est avéré que finalement, c'était un troll. On peut dire ça de même. Je pense que oui. C'est le label, si on peut appeler ça un label, Brutal ouais. Records, qui a parti ça sur Twitter. Ça, c'est Brutal Records avec leurs 24 abonnés sur Twitter. Ouais, c'est ça. Je pense que le but, c'était ça, là, d'aller chercher l'attention. Ouais, c'est ça. Lui, il a lancé ça sur Twitter, là même. Voici une mise en demeure, puis de plagiat pour Metallica. Il a même tagué Metallica. Il a tagué plein de médias. Ben oui. D'ailleurs, on pourrait le poursuivre, lui, parce qu'il s'appelle Brutal Records. Ben, j'y pense. Je vais te consulter là-dessus, là, Colin. Est-ce que ça marche, la synergologie? Attache-toi à tuc serré, mon petit Brutal Records, parce qu'on s'en vient, on va te ramasser solide. Ben écoute, peut-être qu'il va m'arriver avec un cuisinier qui a une croix en verre dans le front. On le sait pas, là, tu sais. Ça a l'air d'être son genre, là, c'est un coco. Là. Mais là, ce qui est. Ben oui, le gars, écoute, là, je dis le gars, puis je sais pas, là. Mais quand je suis allé sur leur site web, premièrement, leur page Facebook n'existe plus. Sur leur site web, ils représentent comme, je pense, trois bands avec trois albums. Mais lui, il dit que c'est lui qui possède les droits de cet album-là en question, l'album Serpent Temptation de Opprobrium. Ça a l'air pas pire en passant. Ben, ça a l'air correct, mais ça me donnait plus l'impression après justement que, tu sais, il y a un death metal revival hein, depuis quelques années quand même. Oui. Faut se le dire. Avec Horrendous et compagnie, il y a bien des bands qui sont revenus sur la map. Ça m'a comme donné l'impression que le gars voulait son heure de gloire puis voulait repartir peut-être un... Tu sais, ça me surprendrait pas que Opprobrium, on apprenne que, je sais pas s'ils sont inactifs présentement, mais qu'ils sont. Non, ils ont l'air actifs. Ils sont actifs, mais là, ils se sont complètement... ils ont démenti, eux autres, ils ont dit « Hey, nous autres, on a rien à voir là-dedans, là. On aime Metallica, puis mettez-nous pas là-dedans, là. On n'est pas... » Parce que, ce sont nos amis. parce que moi, je suis pas un grand spécialiste des affaires légales, puis tout ça, mais pour expliquer un peu au monde, une mise en demeure, dans le fond, ce que c'est une lettre légal d'un avocat, c'est ni plus ni moins qu'une menace de poursuite. T'attends la poursuite, mon gars, tu réponds pas à mes en demeure, disais. Amenez-nous en cours, les petits boys. On va se voir en cours, on va avoir du plaisir. Mais Metallica, c'ti, mon Dieu, pas... Ils ont les poches ultra profondes, mon gars, c'est des puissants fonds, c'ti. Puis tant qu'à parler de Metallica, là, ça vient de sortir aujourd'hui, ça va réjouir beaucoup de monde. James Hetfield vient de dire... on lui a demandé s'il avait l'intention de refaire quelque chose avec Lady Gaga, puis il a dit « I have no interest ». Yes! Donc, oubliez ça, là. Lars s'est énervé en disant que Lady Gaga était le quintessential fifth member. Je pense que Hetfield en a plein son casque de Gaga. Il dit « Écoute, c'était le fun de jouer avec, elle a apporté une énergie différente. C'est quelqu'un qui va au-dessus de ses limites comme nous, mais ça s'arrête là. » Yes, I can go to bed with you. every night. Because that person, I know that person. That person has balls. That person has integrity. That person has an opinion. That person just doesn't say yes. Yes, yes, yes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais moi, moi je suis un des rares qui avait aimé quand même l'initiative de jouer au Grammy avec Lady Gaga, même si ce qui avait passé à la télé, c'était raté parce que le micro de James n'avait pas fonctionné. Mais moi, j'avais aimé, dans le fond, ce que j'aimais, dans le fond, là-dedans, puis c'est sûrement que c'est pas un super bon move de Metallica parce que c'est encore une affaire qui a fait un backfire, là, t'sais, comme ils sont habitués d'en faire depuis les 20 dernières années. Ouais. Mais j'ai trouvé au moins que l'effort de vouloir faire quelque chose de différent, puis d'amener une autre saveur, puis tu sais, Lady Gaga, dans le fond, c'est un amateur de métal, c'est connu depuis plusieurs années. Mais je verrais Anthrax faire un album avec Lady Gaga, ce serait moins pire qu'avec Belladonna. Ben, dans le pire des cas, ça va les aider, est-ce-tu, parce qu'ils sont pas sur une belle curve, Anthrax, là, depuis quelque temps, là. Mais là, tu me disais que t'étais satisfait parce qu'ils vont refaire, ils vont ressortir State of Euphoria, dans le fond, en vinyle, je sais pas trop, un remaster. Oui, il y a un remaster qui sort en 2018, le 30e anniversaire. Moi, personnellement, State of Euphoria, c'est mon préféré. Donc, j'ai très, très hâte d'entendre ça. Il va y avoir des démos, des trucs de même. J'ai hâte d'entendre ça. Et t'es en train de t'ouvrir une deuxième fin du monde. T'es sur le party, Seb? Ah, je suis sur le... Oh, hey, t'as entendu ça? On dirait qu'on est dans... On dirait qu'on est... J'ai ouvert une bouteille de champagne. Il fallait absolument fêter ça. Moi, je suis présentement sur une « À tout le monde ». J'ai dit une fin du monde, c'est à tout le monde. C'est ça, à tout le monde. C'est la bière, dans le fond, qui a été faite par Unibrew pour Megadeth. Oui. C'est pas une bière qui est très forte, hein? 4,5% d'alcool, c'est vraiment pas fort. On parle de 22 en IBU. Fait que ça se prend. Pas pire, sérieux, mais je trouve qu'elle est un petit peu trop fruitée à mon goût. Ben, c'est le petit côté fruiteux de bien des produits Unibrew, hein? Ils sont forts là-dessus, c'est. Ouais, c'est pour ça que j'en bois pas bien, honnêtement. Ouais. Pas mauvais. Tu sais, j'en ai acheté, mon épouse m'en a acheté 3-4. Je les ai pris, mais je l'ai pas racheté. Tu sais, passe à autre chose. Ah, j'aime bien ça, encourager le bon Dave Mustaine une fois de temps en temps. D'ailleurs, il y a un beau festival qui va se tenir aux États-Unis, c'est le Decibel Brew Festival. Puis c'est Unibrew, dans le fond, qui est le commanditaire. C'est cool, ça. Ouais, c'est très cool. C'est très cool. Moi, je leur ai envoyé un petit message. Je dis, Chris, montez au Québec. Faites ça au Québec, ça va marcher. C'est, t'sais, les microbrasseries, puis tout ça, on est tellement des grands buveurs. Exactement. Puis on fait tellement de la bonne bière aussi. Je pense que ça vaudrait la peine. Incroyable. Là, si. Moi, j'ai un conseil à te donner, OK? Si t'es un gars qui aime ça, prendre une coupe de bonne bière dans un show, faut idéalement que tu aies un budget en conséquence, parce que si ton billet de spectacle t'a coûté entre 100 et 180 $, ça te sert la bourse un peu, hein? T'as un peu moins d'argent pour consommer. Mais écoute, à 7$ la petite bière, je pense que quand t'as payé ton billet à ce prix-là, tu t'en passes. Oui, monsieur. Et là, j'ai fait référence, dans le fond, à l'été chaud, très chaud, dans le fond, parce que cette année, comme tu as vu passer la nouvelle, il n'y a pas d'EV Montréal. Hein? EV Montréal 2017 prennent une pause. Oui, c'est correct. Écoute, avec l'avenue de Guns et Metallica, entre autres, c'est normal qu'ils aient laissé la place. Ben oui, c'est 1992, All Over Again, mon chum. Ils jouent pas ensemble, mais ça sent les années 90. Mais hein, écoute, il aurait dû faire un bill comme le fameux soir au stade avec Guns, Metallica et Faith No More. Ah, ça aurait été malade, mon gars. Ça aurait été sérieux, malade. Ça aurait été un coup fumant pour Montréal, ça. Tu sais, parce que tu parles à n'importe qui dans le monde de ce spectacle-là au Stade Olympique, ils savent c'est quoi qui s'est passé. James s'est brûlé le bras, Axl Rose a pété sa coche, tu sais. Il y a juste Faith No More qui ont rien fait, dans le fond. Non, parce que personne n'entendait ce qu'ils faisaient. C'est ça. Le son était tellement pourri que personne ne savait ce qui se passait sur le stage. T'sais. Exact. Fait que là, dans le fond, malgré l'annulation, dans le fond, de EV Montréal 2017, dans le fond, ils vont revenir en 2018 avec une formule plus forte que jamais. Et là, on a compris un peu c'est pourquoi qu'il n'y a pas d'EV Montréal 2017. Il y a eu plein de raisons, là, autant les rénovations au parc Jean-Drapeau, pis tout ça, mais c'est surtout aussi à cause de la grande offre de spectacles qu'il y a, tu sais. Puis c'est pas parce qu'il y a bien du monde qui disait « Ouais, mais on voit bien, esti, là, que les bands s'en venaient à Montréal, pourquoi qu'ils ont pas tout packagé dans un EV Montréal? » Toi, t'en as déjà booké des shows, tu sais, puis tu sais un peu comment ça marche, des contrats, puis tout, tu sais. oui. C'est pas nécessairement facile de même. Puis moi, j'ai su, en posant une couple de questions, que Metallica, d'ailleurs, était pas intéressé à rentrer dans le EV Montréal. T'sais, ils voulaient faire leurs affaires eux autres même. T'sais. Exactement, à part le festival d'été. Mais le festival d'été, c'est un soir, c'est pas un festival de toute une journée. Ben, c'est ça. Puis ça dépend aussi des conditions, du timing, puis tout ça. T'sais. Fait que dans le fond, là, l'été à Montréal, de la façon que c'est en train de se placer, OK, t'as Tool qui va venir à Montréal le 2 juin. C'est sellé out, dans le temps de le dire. Ça s'est sellé out en l'estant de 1h30, je pense. Oui. Donc, les billets étaient en vente entre 72,50 et 133,50. Ça, c'est au Centre Bell. Fait que, il y en a évidemment qui ont vu Tool pour moins cher que ça, mais on est en 2017, si les prix ont monté. Ouais, je pense que moi, je les ai vus pour 35$ dans le temps. Hein? Ben, tu vois, l'inflation, mon chum. Et là, après ça, t'as Metallica qui viennent, eux autres, à un show extérieur, justement au Parc Jean-Drapeau. Les billets sont en vente entre 100$ et 181$. Puis t'as même la plateforme Metallica qui est accessible pour 286,50$. C'est cher! C'est cher, mon gars. C'est vraiment cher. Puis tu sais, c'est quand même un show dehors. Imagine qu'il mouille. Imagine qu'il mouille, mais qu'il mouille pas assez pour annuler le spectacle. Ouais. Ben, il mouille jamais assez pour annuler un spectacle. C'est rare. T'sais. C'est rare. C'est quand vraiment c'est dangereux pour la scène, puis qu'il y a des éclairs, puis tout ça, tu sais. Tu sais, on a vu ça avec Foo Fighters au festival d'été il y a une couple d'années, mais tu sais, ouais. C'est rare. Là. C'est assez rare. Ben là, tu sais, le monde va nous dire, regarde, vous êtes une gang de pleutres. Vous autres, vous allez voir juste des spectacles quand le confort est au maximum. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'aime ça voir des spectacles extérieurs dans le cadre d'un festival. Ça, c'est super le fun. C'est fait pour ça. Aller voir un festival à l'intérieur, c'est plat. Ah ouais, c'est ça. D'être dehors et de triper. Mais c'est sûr que si tu t'en vas voir Metallica puis tu payes, mettons, tu te payes la traite, mettons, tu prends le billet à 181,50 puis que finalement, il fait frais, c'est venteux, il fait pas beau. Bon, les chances sont minces parce que c'est l'été. Mais. C'est pas l'expérience la plus optimale, mettons. Non, c'est pas agréable. Écoute, je me souviens avoir vu Boy Vod amener à Jonquière en musique puisqu'il mouillait, mais assio, man. Puis écoute, on avait des membres de pluie, puis même après 2 heures, nos membres de pluie, ça avait passé à travers, tu sais. Ouais. C'était vraiment pas cool. Ben non, c'est ça. Puis toi, d'ailleurs, t'en as déjà annulé un, mais ça semble, un spectacle à Chicoutimi parce qu'il mouillait, non? Ça avait passé proche. Écoute, on était rendu, c'est un festival qui commençait à 5h30, 6h, puis il était 4h, puis écoute, il faisait vraiment pas beau. Écoute, j'avais un de mes bands qui, à l'entrée du parc des Laurentides, qui avait dû dire, bon, ben, on oublie ça, on peut pas descendre. Ah ouais, ça, c'est dommage. Ouais. Là, tantôt, tu disais Guns N' Roses. Ben, Guns N' Roses remporte la palme des billets les plus chers à Montréal cet été. Les moins chers, 119$. Ça, si jamais t'es cheap et t'as pas beaucoup d'argent, c'est minimum 119$ pour aller voir le beau Guns N' Roses, le beau Axe. Cheap à 120$, Chris. Ah, t'es cheap, là, tu vas être loin en sacrement. Ouais. Et ça va jusqu'à 332$. Pour voir Guns N' Roses sans Izzy Stradlin et Steven Adler. Exactement. Et il y a encore une fois la plateforme Guns qui là te donne une vue supérieure et évidemment une entrée VIP qui est à 433$. Hey, j'espère qu'ils payent le buffet. Je sais pas s'il y a des petits snacks à ce prix-là. Mais c'est sûr que c'est un accès VIP, tu vois bien. Mais tu sais, pour bien du monde, tu sais, Guns N' Roses, là, ça fait combien d'années que ça existe? 40 ans? Premier album est sorti en 89. 87, je pense, ça peut-être. 86. Fin des années 80, ouais. Bon, mettons qu'à l'époque, t'étais un jeune adolescent, puis tu trippais là-dessus. Aujourd'hui, oui. En 2017, si t'es rendu un professionnel ou t'as investi dans l'immobilier ou whatever, puis t'as des sous, que ça te tente d'aller triper, là. 433$, là, c'est pas ça qui va t'étouffer, là, tu sais. Non, mais écoute, même moi, là, indépendant de fortune comme je suis, ben, je paierais pas 433$ pour aller voir fucking Guns N' Roses. Non, mais t'es cheap. Toi, t'es cheap, c'est pas pareil. Ouais, exactement. Et de toute façon, j'ai aucun intérêt. Moi, j'écoute seulement Appetite for Destruction. Ouais, c'est le meilleur album selon plusieurs. C'est que ça me donnerait d'aller là. Use Your Illusion 1 et 2... T'en fais un bon avec les deux, mais encore ouais. Là, j'ai pas réécouté ces albums-là depuis leur sortie, honnêtement. Ah ouais, même pas une couple de tunes ici et là? pas à tout. Je les ai même pas. Calice. Puis j'avais en cassette, puis j'ai tout perdu ça. Puis... À ton prochain salon du disque, là, si tu vois ça passer, pogne-toi ça quand même pour les grands succès. Non? Oh, alors, ça m'intéresse pas du tout. Bon, ça étend pas pantoute. Je vais te proposer un autre spectacle qui peut-être pourrait t'intéresser si jamais t'es en ville, OK? Le 24 juillet, il y a Lamb of God et Behemoth au Metropolis. Ça, ça va être tout qu'un concert. Ouais, ça, ça va fesser, ça. Ça, on parle de 55$ quand même pour aller voir ces deux bandes-là, qui sont deux bandes incroyables live. Moi, la dernière fois que j'ai vu Behemoth, c'était pour l'album de Satanist au complet. Va te dire, esti, j'ai failli tomber sans connaissance. Écoute, c'était au Corona, ouais. C'était tellement bon, esti. Lamb of God en show, c'est toujours bon. C'est toujours bon, mais selon moi, puis ça, c'est la tournée originale de ça, c'est Lamb of God, Behemoth et Slayer. Puis là, Slayer sont pas sur cette bill-là. Je trouve que c'est une bonne affaire. Mais vraiment, là, pour moi, le highlight là-dessus, c'est Behemoth, qui est un band qui est au sommet de son art actuellement. Oui, puis écoute, il n'y a pas qu'à Montréal que ça va être chaud. Il y a des petits shows au Saguenay qui vont être intéressants cet été aussi. Oh. Ça a sorti aujourd'hui, ça, le 1er juin, au Cadbury à Jonquière. Obey the Brave, avec These Nuts, ton band préféré, d'où? Ah oui, c'est These Nuts. Moi, le dernier album, je l'avais mis dans mon best-of, j'avais tellement aimé ça. Ouais, super, le fun, ça. Moi, j'aime pas ça, mais je pense qu'en show, ça devrait être intéressant. Puis comme tu le sais, j'adore Obey the Brave, donc c'est sûr, je vais être là. 29 juin, ça, je l'ai appris aujourd'hui, parce que c'est le booker qui m'a appelé pour me demander quel band il devrait booker. Ça arrive, ça, en passant. Oui. Même si moi, je ne book plus des shows en tant que tel, je suis plus dans l'événementiel, mais il y a souvent du monde qui viennent me voir, viennent voir ma blonde. « Hey, j'organise de quoi? J'ai ce nom-là, lequel qui marcherait, lequel qui ne marcherait pas. » Là, c'est ça, aujourd'hui, je ne peux pas nommer de nom parce que j'ai dit qu'est-ce que j'en passais, puis il m'a dit « OK, je book ça. » Mais ça va être un show gratuit, 29 juin, le jeudi 29 juin, c'est la zone portuaire à Chicoutimi, un show gratuit métal. Qui devrait normalement avoir 3-4 bands, dont un gros band québécois. C'est tout ce que je peux dire. Ça devrait pas être trop dur à trouver. Là, si c'est à Chicoutimi, c'est à la zone portuaire et c'est gratis. Je peux te le dire tout de suite que Voivode va être là, Chris? Non, c'est pas Voivode. Ah, même pas? Non. Ah, tu me surprends. Ouais. Ah, c'est pas moi qui l'organise, en passant. Moi, j'ai juste suggéré des noms. Non, je sais. Mais tu vas sûrement aller nous têter une exclusivité là-dessus, toi, là, mon petit Anna. Ben oui, c'est sûr. Ah, quand ça sort, vous allez être les premiers à le savoir. OK. Puis après ça, qu'est-ce qui va être chaud dans ton coin? Après ça, cet été, c'est quoi qui s'en vient? Bon, il y a Sum 41 au Festival de la Bière. C'est pas vraiment du métal, mais pour nous autres, c'est un méga gros show. Ouais. Après ça... Sinon, pas bien loin de ton coin, dans le coin de Québec, DRI, qui vont être à Québec et à Montréal, oui. Au mois de juillet. À l'Impérial. Il y a Sabaton, bientôt, au mois d'avril, aussi, oui. À Québec, à l'Impérial. Oui, il vient à Montréal aussi. Qui vont être complètement débiles. Non, écoute, il y a une... Cet été, ça va rocker. Ah, ça va rocker. Puis pour clore ça, pour clore le segment des spectacles, il y a Neurosis qui vient d'être annoncé avec Converge le 1er août à Montréal. Oh! Hey, Chris, mon gars. C'est au Corona, ça? C'est au Corona ou c'est au Metropolis? Je pense que c'est au Metropolis. Ça va être plein, ça. Ouais, ça va être plein, certain. C'est Neurosis qui est une valeur sûre. Converge, Converge, la dernière fois, je les ai vus avec At the Gates. Pour la dernière fois qu'ils sont venus avec Paul Bearer, c'était tout qu'un concert. Hey, ça, ouais. Dernier Paul Bearer, d'ailleurs, est tellement bon. Oui, il est bon. Oui, il est bon. Heartless, ouais. Vraiment. Mastodon aussi, je trouve super bon. Ben oui, ils ont fait un record de vente. C'est l'album qu'ils ont le plus vendu à sa sortie depuis les débuts du band, finalement. Quand même étonnant. Écoute, ils ont fait une performance live l'autre jour. C'était un late show, je me souviens plus lequel. Sûrement Jimmy Kimmel. Ouais, là, ils ont fait Show Yourself. Quelle bonne toune. Ouais, c'est une bonne toune de rock. C'est dansant. Moi, j'ai tout le temps le goût de danser quand j'écoute ça. Ben, écoute, moi, je me mets à Baden. Let's go. Ça va bien. Ouais, je me touche partout. Je vais faire un Facebook Live de ça à un moment donné. Ouais. Fait que, partez pas à pleurer, même si c'est pas DV Montréal 2017. L'été va être quand même super chaud. Puis si vous êtes capable d'aller voir Tool, Metallica, Guns, Lamb of God, DRI, Neurosis... Puis en plus, montage à Chicoutimi, là, bravo, esti, vous êtes Guy La Liberté. Partez-vous une compagnie pour aller dans l'espace, vous avez beaucoup de sous. Écoute, ça va être un été occupé. Un été chaud. Toi, mon Steve, je suis certain que t'es un amateur de l'émission La Voix à TVA. Je sais pas si je peux dire je suis un amateur, mais à date, j'ai pas mal tout écouté, je te dirais. Ouais, c'est ça. T'es un fan. T'es un fan fini. Des fois, c'est pénible, comme le dernier, là. Ouf. Ouais. J'ai pas toffé jusqu'à la fin, j'étais plus capable. Mais je l'écoute parce qu'honnêtement, j'ai deux amis qui sont là-dedans. Oui. Max Desrosiers, Michael Gérard. Je suis bien content. Ils sont dans l'équipe à Marc Dupré, puis à date, ça va bien. Ah, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Le beau Marc, c'est le meilleur pour diriger les jeunes. Exactement. Ben là, les jeunes. Ouais. Mais là, toi, dans le fond, là, ça veut dire que si tu as tout suivi les émissions, quelle a été ta réaction quand tu as vu le bon Louis-Paul Gauvreau, le chanteur de The Unconscious Mind, arrivé là, mon gars, puis chanter comme un glorieux, c'est-tu, du death metal. Écoute, ça m'a fait rire, puis j'étais content, puis en même temps, tu sais, ça s'est passé partout, dans toutes les The Voice à travers le monde, puis tous ces shows-là de voix, il y en a toujours un qui vient chanter du death, ou du puis qui réussit à se faufiler dans l'émission parce qu'on sait bien que c'est du marketing pour attirer le plus de monde possible. T'sais, c'est comme c'est le clown de la gang. C'est un freak show un peu, là, ouais. Tu sais, comme là, dimanche, là, là, ils sont rendus d'une période là, où est-ce que les duels sont finis, puis là, ils sélectionnent les gens qui vont être immédiatement en quart de finale sans même qu'ils aient besoin de se battre contre quelqu'un d'autre. Puis lui, Isabelle Boulay, l'a fait monter en quart de finale. Écoute... Nice. Hey, il va peut-être gagner La Voix, man. Ça serait exceptionnel, ça. Ça serait bon en maudit. Ils ont fait chanter une toune. Ils chantaient une toune, toute la gang d'Isabelle Boulay. Ils chantaient une toune du country qui est son coach, là. Comment il s'appelle? Paul Darèche? Paul Darèche. Ouais. Ils ont chanté Perce les nuages, je pense, le titre de la toune. Ouais, ça, c'est bon. Écoute, puis il y avait toutes les petites passes à chanter, puis quand c'était son tour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a-tu chanté ça en dette? Il a fait ton cœur. Ah. N'importe quoi. Mais lui, dans le fond, parce que moi, j'ai pas checké pantoute les émissions. Là. J'ai vu ça passer sur le web, j'ai checké les affaires, j'ai vu Isabelle Boulay. Hey, la fois là, qu'il a chanté, dans le fond, le. La toune de Necrophagist, là. Ouais, la oui. Réaction d'Isabelle Boulay, là, c'était... C'est incroyable, c'était à Wound, qui est une super bonne toune de Necrophagist, qui va d'ailleurs se retrouver sur l'album La Voix 5. Ah oui? Oui, c'est la dernière toune de l'album. Sacrament! Stab Wound, Necrophagist. Ça, c'est incroyable, mais Isabelle Boulay, là, juste avant de peser sur le piton pour le sélectionner, là, elle était toute énervée, mon gars. Elle avait de l'air, là. Elle basse, hein? Hey, c'était... J'en doute même pas une seconde, c'est tout stagé, cette histoire-là. Ben, écoute, ça n'en prenait un gars qui fait du death pour attirer une nouvelle clientèle, puis c'est lui qui est là. Ouais, sauf qu'après ça, si tu veux faire un show qui se tient, puis qu'il faut que le gars sache chanter pareil, tu sais, si... T'sais, je sais pas. Écoute, il a fait Born to be Wild en confrontation, puis tu sais, il pouvait garder cette voix-là un peu, tu sais. Ouais, c'est ça, il pouvait garder son grain dans sa voix, puis être... Ben oui, parce qu'il a quand même une voix cool, là. C'est pas évident de chanter du death. Là. Le monde pense que chanter du death, t'arrives là, tu cries, c'est du wow. Ça ben non, marche ben pas non, de même. Ben non, ben non. Faut que t'aies du talent sérieux pour faire ça. Ah c'est ben. Pas n'importe qui est capable de chanter du death. Ben vous irez, moi j'ai commencé à suivre Louis-Paul, il y a un compte, tu sais quand il passe à La Voix, il leur ouvre tout le temps un petit compte Twitter là. Ouais, qui gère, que je pense pas que c'est eux autres qui gèrent en tout cas. Ouais, en tout cas, il a pas tweeté ben jusqu'à la date, puis je pense pas qu'il y ait beaucoup d'abonnés non plus, parce que je pense pas que c'est un des plus populaires non plus. Mais j'encourage par exemple les métalleux qui sont sur Twitter, il en manque toujours des métalleux sur Twitter, allez le chercher, Louis-Paul Gauvreau. Puis son band, The Unconscious Mind... C'est pas mauvais pantoute, non? Ah, c'est bon, ça. C'est très bon. Moi, j'avais beaucoup aimé le dernier album, en passant. Oui. Hey, là, toi, je sais que t'es un amateur de lecture, hein? Tu lis beaucoup. Oui. Pas beaucoup, c'est ainsi, parce que j'ai pas grand temps, mais d'habitude, oui. Ouais, c'est ça. Là, il y a un livre qui est quand même assez intéressant, que probablement qu'on va lire tous les deux. Moi avec, je lis pas beaucoup de ce temps-ci, mais je suis très en retard dans mes biographies. Je me suis acheté plein de livres que j'ai même pas ouverts encore. Et là, il y a la biographie de James Hetfield, non autorisée, mais qui est quand même par un écrivain qui fait du Christy de bon stock qui vient de sortir. Toi, je sais que t'as bien hâte de lire ça. Ben oui, c'est Mark Eglinton qui a écrit ça, le même qui a écrit, à mon avis, la meilleure biographie rock à date que moi j'ai eu la chance de lire, celle de Rex Brown de Pantera. Ça, c'est pas peu dire quand même. Ouais, écoute. Puis j'y avais dit sur Twitter, puis il m'avait répondu, il a été bien gentil, regarde, je le pense vraiment, c'est la meilleure biographie, du moins métal, que j'ai eu la chance de lire. Je l'ai lu un bon paquet, j'en achète beaucoup de biographies, et ça, c'est le top du top, c'est un livre qui se dévore du début à la fin, pratiquement non-stop. C'est vrai que c'est bon en maudit, ça. Moi, avec, puis c'est drôle, hein, parce que dans Pantera, Rex Brown, c'était le personnage, le musicien qui m'intéressait le moins. Ouais, c'était comme le Kirk Hammett, genre. Ouais, mais là, il y avait des choses très intéressantes à dire, parce que justement, c'est le gars probablement que dans Pantera avait le plus de recul, qui a vu ça aller, lui-là. Là. Pour lui, là, c'était comme une pièce de théâtre vivante, man, qui se passait devant lui, là, avec Dimebag, Vinnie, puis Phil Anselmo. Là. Ouais, parce que lui, il était pas plus pro un que l'autre. Tu sais, mais maintenant, évidemment, quand il a rejoint Down... Ça l'a plus mis du côté d'Anselmo, évidemment. Évidemment, après ça, les deux frères Abbott ont plus pris leur propre bord à eux autres, mais lisez ça, c'est bon, hein, Chris. Oui, puis ceci étant dit, Eglinton a écrit aussi le celle de Nergal. Oui. Qui est une bonne biographie aussi. Donc, c'est des Unauthorized Story of James Hetfield. Mais que James Hetfield a donné son approval, si on peut dire ça, il a dit que I give my blessings. Ça veut dire, dans le fond, c'est un peu une façon de dire... Ce qui est écrit là-dedans, c'est vrai. C'est ça, sans tomber dans le côté officiel de la chose. Exactement, donc c'est intéressant parce que c'est non officiel, donc quand une biographie non officielle, bon, il peut se dire ben, des affaires un peu plus crunchy, puis en plus, lui, il l'approuve. Donc, Moi j'ai trouvé que c'était quand même c'est quand même assez important que James Hetfield donne son approbation sans que ça soit une biographie autorisée officiellement, parce qu'il faut pas oublier une chose. Là, dans cette biographie-là, ça va parler de ses excès de drogue et autres choses. Oui. Qui sont d'ailleurs, selon plusieurs personnes, une addiction à la pornographie, au sexe, et ça touche plein d'affaires, hein? Ben. Moi, d'après ce que je comprenais, en tout cas, c'est la coke et l'alcool. Hein? Ouais, mais ça a l'air que... Ah ouais, pourtant... Ouais. Hey, anecdote. Ouais. Ça remonte à loin. J'avais 14 ans. Là. Quand j'ai vu la tournée Master of Puppets au Centre Georges Vézina, à Chicoutimi, puis c'était drôle parce que avant le show, t'avais des roadies qui se promenaient dans le crowd, puis ils ramassaient des filles. Ouais. Ah oui. Il lui parlait, les filles. Il parlait pas anglais, tu sais. Ouais. Ah oui. Would you like to come backstage? Blablabla. Là, il lui montrait une pause backstage. Ah oui, bang. Il partait avec les filles, ils en allaient en arrière. Ah oui. Mais Metallica, là, ça a été ça. Ça a été ça longtemps, hein. Fait que sur ces belles paroles. C'est ça qui conclut, dans le fond, cette édition du podcast extrêmement rare de Boulevard Brutal. Oui, écoute, c'est une réunion à chaque fois. Tout le monde pense qu'on s'est séparés, chacun a parti une carrière solo. Ben non, on laisse partir les rumeurs, mais c'est pas vrai. Exactement. Mais ce que tu sais pas, c'est que qu'est-ce qui nous permet de revenir, c'est Jason Newsted qui me finance en arrière. C'est un mécène. C'est le mécène du métal. C'est vrai. Je voulais pas le dire, mais oui. C'est ça. Ce qu'il faut que vous fassiez, premièrement, vous allez sur Twitter, vous vous ouvrez un compte Twitter. Très important. C'est facile. Oui, puis aujourd'hui, en plus, maintenant, Twitter ont changé. T'es même pas obligé de te mettre une photo de profil personnalisée. C'est plus un œuf maintenant. Hein? C'est un petit bonhomme. C'est un petit personnage. Ouais. Ils ont changé ça. Mais je vous conseille quand même de mettre une photo de vous autres. Pas votre graine, pas vos fesses, une photo de votre face. Ouais, c'est possible. Et là, les premiers que vous devez suivre sur Twitter, @SteveDallaire, avec un E. Un seul E à Steve. S-T-E-M-E. Exactement. Et moi-même, at Boulevard Brutal. Vous nous suivez les deux, drette en partant, vous êtes en business. On va vous feeder de bon matériel. Puis après ça, vous irez suivre tous les autres comptes de marde que vous voulez. Mais au moins, vous allez avoir une bonne base pour partir. Mais c'est le fun, il y en a qui me disent qu'ils sont sur Twitter juste à cause de nous autres. Ça, c'est cool. Puis, hey, en même temps, j'inviterais le monde à aller voir la page Facebook, parce qu'il n'y a pas de Twitter. Trop vache. La page Facebook de Grand Cardo. Dernier épisode, il y a un concours pour le Festival de la bière, Festival des bières du monde à Saguenay, qui est le plus gros festival de bière au Québec, honnêtement, pour n'avoir fait pas. Tu peux gagner un forfait VIP. Oh. Tu sais, il y a des gros shows, il y a Sum 41, il y a plein d'affaires. Puis, t'as des passes te souder pendant deux jours. Non? Il va se boire du bon liquide, là? Moi, je vais être là, c'est sûr. Écoute, c'est malade. Moi, j'y vais deux jours, puis écoute. C'est trois jours. Vendredi, samedi, dimanche. Moses de beau concours, ça. Merci à Grind de nous faire un beau concours comme ça de boisson. Robert Hakim qui organise ça, qui est allé inviter, qui donne ça aux fans de Grind. Fait que, allez voir ça vaut la peine de participer. Non, ben merci, Robert. Fait que là-dessus, merci beaucoup de nous suivre, merci beaucoup de nous écouter, puis on se dit, selon moi, on devrait faire un autre podcast aux alentours du mois d'octobre. Suivez ça, là, ça s'en vient. Ouais, quand la neige va repogner. Salut les petits chatons. Shut down in process.